Chapitre 44 Des essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lupersonia Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 44 Du dormir. La raison nous ordonne bien d'aller toujours même chemin, mais non toutefois même train. Et or que les sages ne doivent donner aux passions humaines de se fourvoyer de la droite carrière, il peut bien, sans intérêt de son devoir, leur quitter aussi cela, d'en hâter ou retarder son pas, et ne se planter comme un colosse immobile et impassible. Quand la vertu même serait incarnée, je crois que le pouls lui battrait plus fort allant à l'assaut qu'à l'andiner. Voire il est nécessaire qu'elle s'échauffe et s'émeuve. À cette cause, j'ai remarqué pour chose rare de voir quelquefois les grands personnages, aux hautes entreprises et importantes affaires, se tenir si entiers en leur assiette que de n'en accourcir pas seulement leur sommeil. Alexandre le Grand, le jour assigné à cette furieuse bataille contre Darius, dormit si profondément et si haute matinée que Parménion fut contraint d'entrer en sa chambre et, approchant de son lit, l'appelait deux ou trois fois par son nom pour l'éveiller, le temps d'aller au combat le pressant. L'empereur Othon, ayant résolu de se tuer cette même nuit, après avoir mis ordre à ses affaires domestiques, partagé son argent à ses serviteurs et affilé le tranchant d'une épée de quoi il se voulait donner, n'attendant plus qu'à savoir si chacun de ses amis s'était retiré en sûreté, se prit si profondément à dormir que ses valets de chambre l'entendaient ronfler. La mort de cet empereur a beaucoup de choses pareilles à celle du grand Caton, et même ceci, car Caton, étant prêt à se défaire, cependant qu'il attendait qu'on lui apportât nouvelle si les sénateurs qu'il faisait retirer s'étaient élargis du port d'Utique, se mit si fort à dormir qu'on l'voyait souffler de la chambre voisine. Et celui qu'il avait envoyé vers le port, l'ayant éveillé pour lui dire que la tourmente empêchait les sénateurs de faire voile à leur aise, il en renvoya encore un autre, et se renfonçant dans le lit, se remit encore à sommeiller jusqu'à ce que ce dernier l'assurât de leur partement. Encore avons-nous de quoi le comparer au fait d'Alexandre, en ce grand et dangereux orage qui le menaçait par la sédition du tribun Metellus, voulant publier le décret du rappel de Pompeius dans la ville avec son armée, lors de l'émotion de Catilina, auquel décret Caton seul résistait, et en avait eu Metellus et lui de grosses paroles et grandes menaces au Sénat. Mais c'était au lendemain, en la place, qu'il fallait venir à l'exécution, où Metellus, outre la faveur du peuple et de César, conspirant lors aux avantages de Pompeius, se devait trouver accompagné de forces, esclaves étrangers et escrimeurs à outrance, et Caton, fortifié de sa seule constance, de sorte que ses parents, ses domestiques et beaucoup de gens de bien en étaient en grand souci, et on y eut qui passèrent la nuit ensemble sans vouloir reposer, ni boire, ni manger pour le danger qu'ils lui voyaient préparer. Même sa femme et ses sœurs ne faisaient que pleurer et se tourmenter en sa maison, là où lui, au contraire, réconfortait tout le monde, et après avoir soupé comme de coutume, s'en alla coucher, et dormir de fort profond sommeil jusqu'au matin, que l'un de ses compagnons au tribunat le vint éveiller pour aller à l'escarmouche. La connaissance que nous avons de la grandeur de courage de cet homme par le reste de sa vie nous peut faire juger en toute sûreté que ceci lui partait d'une âme si loin élevée au-dessus de tels accidents qu'il n'en daignait entrer en cervelle non plus que d'accidents ordinaires. En la bataille navale que Augustus gagna contre Sextus Pompeius en Sicile, sur le point d'aller au combat, il se trouva pressé d'un si profond sommeil qu'il fallut que ses amis l'éveillassent pour donner le signe de la bataille. Cela donna occasion à Marcus Antonius de lui reprocher, depuis, qu'il n'avait pas eu le cœur seulement de regarder les yeux ouverts l'ordonnance de son armée, et de n'avoir osé se présenter aux soldats. Jusqu'à ce qu'Agrippa lui vint annoncer la nouvelle de la victoire qu'il avait eue sur ses ennemis. Mais quant au jeune Marius, qui fit encore pis, car le jour de sa dernière journée contre Sylla, après avoir ordonné son armée et donné le mot et signe de la bataille, il se coucha dessous un arbre à l'ombre pour se reposer, et s'endormit si serré qu'à peine se put-il éveiller de la route et fuite de ses gens, n'ayant rien vu du combat. Ils disent que ce fut pour être si extrêmement aggravé de travail et de faute dormir, que nature n'en pouvait plus. Et à ce propos, les médecins aviseront, si le dormir est si nécessaire, que notre vie en dépende, car nous trouvons bien qu'on fit mourir le roi Persus de Macédoine, prisonnier à Rome, lui empêchant le sommeil. Mais Pline en allègue qui ont vécu longtemps sans dormir. Chez Hérodote, il y a des nations auxquelles les hommes dorment et veillent par demi-année. Et ceux qui écrivent la vie du sage Épiménides disent qu'il dormit 57 ans de suite. Fin du chapitre 44.